À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le maréchal Kim Jong-un a reçu une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations du corps des attachés militaires en Corée. Le doyen Jiang Ping, attaché militaire de défense nationale de l'ambassade chinoise, les a transmises le 26 courant au général d'armée Park Yong-sik, ministre coréen des forces armées populaires.